Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est la saga. C'est la saga. C'est pas fort. Voilà, c'est bien ce que je disais. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet et je suis votre hôte jusqu'à 22h pour la saga des Fab Four, numéro 292 sur cette radio RIG 90.7, la radio des Beatles. L'album de la semaine, c'est l'album blanc, surnommé White Album, comme ça. Un album sans nom, en fait, en réalité, des Beatles en 1968. On écoutera Glass Onion, on écoutera également le plus long titre pour une chanson des Beatles, Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Alors que le titre d'origine, le titre de travail était Command. Comme quoi, on peut passer d'un côté à l'autre, de rien à énormément. Également, Happiness is a Warm Gun, également Mother Nature's Son, Rocky Raccoon et Goodnight en fin d'émission, forcément. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison, du Starr, comme par exemple, pour Paul McCartney, Little Woman Love, pour John Lennon, Bring on the Lucy, Free the People. Pour George Harrison, ça va faire plaisir à Jean-Philippe Fab Four, ce sera Wawa sur l'album All Things Must Pass de 1970. Et pour Ringo Starr, ce sera Minefield, extrait de l'album Vertical Man en 1998. Pour le reste, eh bien, vous verrez bien. Je peux vous dire si, parce que je pense que ça vous intéresse, que la star invitée, la cover de l'émission, ce sera Roxy Music avec Jealous Guy. Très très belle chanson que Brian Ferry avait reprise un peu de temps après l'annonce de la mort de John Lennon, quoi. C'était pour lui rendre hommage, voilà. Bref, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, vous êtes sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four pour nous joindre, pour mettre des pochettes, pour commenter, pour dire ce que vous souhaitez. Vous êtes également sur macaclub.com pour pouvoir faire la même chose dans la rubrique La Saga des Fab Four. Et si vous avez Twitter, vous pouvez faire le hashtag Saga Fab Four. Saga Fab Four. Et vous mettez ce que vous voulez et je lirai les meilleurs de temps à autre à l'antenne. Voilà, fin du générique. Nous allons commencer par le premier titre. Titre évidemment de John Lennon, avec les Beatles forcément. Qui date de 1968 sur l'album blanc. Voici Glass Onion sur RIG. Bonne soirée à tout le monde. La saga commence. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go, where everything flows. Looking through the paper tulips to see how the other half lives. Looking through a glass onion. I told you about the war is for me. You know that we're as close as can be, man. Well, here's another clue for you all. The war is with Paul. Standing on the cast iron, sure, yeah. Lady Madonna trying to make ends meet, yeah. Looking through a glass onion. Thank you.

Wawa, qui n'est bien évidemment pas le cri du chien, mais la pédale Wawa, qui fait un effet de la guitare, qui lui fait faire un truc du genre ouin ouin ouin, donc Wawa. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'était George Harrison en 1970 sur son premier album solo, et quel bel album solo post-Beatles. L'album s'appelle All Things Must Pass. Un dernier disque, et après on parle de quelqu'un de très sympathique. Mal aux oreilles, mais c'est enregistré comme ça. C'est sur le CD de Vertical Man de Ringo Starr en 1998. Je remercie Rook qui, sur sa page Facebook, marque Do Not Disturb à l'écoute de RIGFM. Et puis, sa bonne copine Ludicris marque Oh, vous êtes pas sympa, etc. Lui, il met l'oreille hardie en train de faire Chut, etc. Silence please. Donc on écoute RIGFM et on ne fait pas de bruit, ou alors on chante, ou alors on monte le son. Et merci en tout cas pour cet humour, j'aime beaucoup ça. Il est temps maintenant, puisqu'on a écouté les Beatles avec Glass Onion, Paul McCartney avec Little Woman Love, John Lennon, Bring on the Lucy, Free the People, George Harrison, Wawa, et Ringo Starr, Minefield. Nous avons donc largement écouté les Beatles. Il est temps de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable anglaise à Londres du Beatles Magazine. Sur le Beatles Magazine, vous pouvez tout retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, même 366 en cas d'année bissextile par an. Vous pouvez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, sur les tournées de Paul, les tournées de George, les tournées des amis, enfin plutôt ceux qui gravitent autour des Beatles, comme par exemple Clapton, mais d'autres aussi, et également les animateurs qui gravitent autour des Beatles et qui sont rassemblés sous Lovely Rita, si je peux m'exprimer ainsi, comme par exemple mon ami Michael Honorato aux États-Unis, dans le New Jersey, avec son émission Beatles Tonight, le lundi soir ou le mardi matin pour nous en France, comme Kyle, j'ai retrouvé son nom par rapport à la semaine dernière, avec Beatles Mania le samedi après-midi, il me semble, du côté du Canada, et également Come Together with the Brooke Alpine sur la côte ouest des États-Unis le samedi et le dimanche, avec donc Brooke Alpine. Ne manquez pas ces émissions et d'autres, il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Tout ça, c'est grâce à elle, grâce à Lovely Rita, que nous savons tout sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur bien d'autres plateformes également. Merci Lovely Rita. Everybody's got something to hide except me and my monkey sur RIG. Présenté d'abord sous le titre Command Command, je vous l'avais dit en début d'émission, cette chanson avait été construite autour du vers qui lui servit finalement de titre. John déclara qu'il s'agissait d'une référence évidente à sa relation avec Yoko. C'était juste une bonne phrase dont j'ai fait une chanson, dit-il. Tout le monde semblait paranoïaque, sauf nous deux qui réunions de bonheur et d'amour. Tout le monde était tendu autour de nous. Leur amitié n'était devenue une liaison qu'à son retour de Rishikesh et Cynthia découvrit ce qui se passait. Yoko assistait aux enregistrements du nouvel album, aux grandes dames des autres Beatles, et la presse eut également du mal à accepter Yoko, ce qui fit enrager John et joua plus tard un rôle dans sa décision de partir vivre aux États-Unis. En Angleterre, il pense que j'ai joué à la loterie et que j'ai gagné une princesse japonaise, dit-il un jour. Gentil quand même. Et en Amérique, il la respecte, il la traite comme l'artiste qu'elle est effectivement. Il n'y a pas tous d'accord à ce sujet-là, John, mais par contre, qu'elle ait été ta femme, ta muse et qu'elle t'ait inspiré de belles chansons, là, d'accord, ça va. La passe. C'est la saga. Absolument. RIG 90.7, la radio des Beatles. C'est ce que je dis tout le temps. It's getting better all the time. 1967 sur RIG. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. She loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better, all the time. Yes, I admit it's getting better, it's getting better. Since you. Bonjour, je m'appelle Rock Le Barge, j'écoute la saga des Fab Four depuis Coulommiers, à l'est de Paris, et je me régale chaque mercredi. Merci Thierry. Sing it again, that song, get up and dance to a song that was a 1967 sur l'album Magical Mystery Tour, Your Mother Should Know, une chanson qu'adorait faire Paul McCartney dans le style des vieilles années, et une chanson que n'aimait pas spécialement John Lennon, lui est pas fan du tout de ce genre de truc là. Mais enfin, vous avez entendu, dans les chœurs, il s'y prête gentiment encore à ce moment-là. Ça se passe plutôt très très bien. D'ailleurs, même en 1969, même quand il y avait de sacrés coups de canif dedans, ils se retrouvent les Beatles quand ils ont enregistré par exemple vous savez The Ballad of John and Yoko, il n'y a que John et Paul, et pourtant ils s'amusent bien tous les deux, voilà, entre autres hein. Donc quand on est frères comme ça, ça passe pas aussi facilement. Tiens, j'en parlais justement. Une de ses chansons les plus tristes et les plus belles également, Nobody Loves You When You're Down and Out, 1974, sur l'album Walls and Bridges, et c'est sur RIG. Thank you. J'aime beaucoup le commentaire de Penny Lane sur macaclub.com. Elle dit d'abord « Getting better all the time ». Comme j'aime l'optimisme de Paul, John était un grand artiste qui a fait des chansons magnifiques, mais Paul nous réchauffe et nous illumine au soleil de ses mélodies. Voilà, et le poste d'après, elle marque « C'est bien ce que je disais en écoutant Nobody Loves You When You're Down and Out ». Cette chanson de John est très belle, mais elle est aussi très triste. Avec Paul, ils étaient vraiment complémentaires. Je suis totalement d'accord. Et il y avait une émulation d'enfer entre les deux, puisque dès que l'un sortait une chanson, l'autre ne voulait pas en rester là et sortait une chanson encore meilleure. Et c'est ce qui leur a manqué après la séparation, même si les envolées de Paul dans les années 70 et après montrent que c'est un très très grand génie. John était pas mal non plus. Ça c'est cadeau. Je l'ai pratiquement jamais passé dans la saga. Paul McCartney. C'est un album, l'album, le premier album qui s'appelle McCartney. Et le titre de cet instrumental, c'était tout simplement Mama Miss America. C'est l'album de la semaine. Happiness is a warm gun. A girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Happiness is a warm gun. Happiness is a warm gun, mama. Hold you in my arms. Sur la chanson Nobody Loves You When You're Down and Out, Nathalie avait écrit sur Facebook « Quelle voix, ça me fait frissonner, etc. » Je cite de mémoire, hein, je ne sais pas si c'est exactement les textes. Mais là, sur Happiness is a Warm Gun, quelle voix, voilà. Avec en plus un côté coquin pour John Lennon. « When I feel my finger on your trigger, quand je sens mon doigt sur ta gâchette. » Mais de quoi veut-il donc parler? Je ne sais pas. Serait-il légèrement coquin? Paul McCartney n'est pas mieux, puisque là, dans cette chanson-là de 1971, il parle de la banquette arrière de la voiture. Qu'est-ce qu'on y fait sur la banquette arrière de la voiture ? Knocking seat of my dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. plus belles chansons de George Harrison, et ce n'est pas une chanson créée par George Harrison, c'est une reprise. En 1981, sur l'album Somewhere in England, sachez que, ici, à Bordeaux, à Blanquefort et sur RIG, on a des ordinateurs qui nous renseignent sur tout. Je sais qu'il y a des auditeurs du côté de La Rochelle qui se sont branchés sur le www.rigfm.fr. Alors je leur envoie un grand grand salut, merci de rejoindre la saga des Fab Four, c'est la 292e édition. Vous pouvez écouter toutes les autres en allant sur Facebook, dans la page des podcasts de la saga des Fab Four. Renseignez-vous et vous serez ravis, j'espère. C'est Thierry Gallet qui vous tient compagnie jusqu'à 22h et la suite de la saga, c'est Now. Ringo Starr, tranquille. Imagine Me There sur RG. When the curtains move in breezes unexpected, don't you worry, you will always be protected. Imagine me there. When you see the dancing shadows in the moonlight, you will always have my love to make it all right. Imagine me there. Let the dawn. When the next room feels as far away as China, you can always know for sure my love will find you. Imagine me there. Fragile occupation. When I find myself in frantic situations, I imagine you there. So imagine me there. Imagine. Give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her.

she Bien entendu, nous sommes en 1968 sur l'album de la semaine, l'album blanc. Et cette chanson, Mother Nature's Son. John Lennon avait écrit une chanson un peu sur le même thème qui s'appelait Child of Nature. Il va garder cette musique-là et ces paroles-là dans un tiroir. Il se ressortira en 1971, la même musique, mais il va changer le titre et les paroles en l'appelant Jealous Guy. Quelques années plus tard, à la mort de John Lennon pour être exact, c'est le groupe Roxy Music qui lui rendra hommage et c'est le moment de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George ou les Beatles, ou reprise par soit quelqu'un de connu, et ici c'est le groupe Roxy Music, soit peut-être vous, si vous m'envoyez votre cassette, votre cassette façon de parler, votre chanson en tout cas, votre reprise de John, Paul, Ringo ou George, que ce soit eux qui étaient à l'origine de la chanson, ou même si eux avaient repris une chanson par exemple de Chuck Berry, du moment que eux l'ont chantée, c'est ce que j'appelle le moment de la cover. Voici donc Jealous Guy maintenant sur RIG.

extrait de l'album For the Love of Harry, Everybody Sings Nilsson, Ringo Starr avec Stevie Nicks pour Lay Down Your Arms en 2008. Elle vous plaît cette chanson et en fait, je l'ai découverte comme ça par hasard en furetant. Moi quand c'est bien, j'achète et je vous en fais profiter dans la saga des Fab Four, c'est comme ça. Retour à l'album de la semaine, c'est une chanson style country, c'est un western en musique composé par Paul alors qu'il se trouvait en Inde. L'action se passe dans les montagnes du Dakota et raconte l'histoire du jeune Rocky. Oui, il s'agit de Rocky Raccoon, dont la petite amie Nancy McGill s'enfuit avec Dan. Rocky poursuit Dan et le provoque en duel, mais Dan est plus rapide. Rocky est ensuite soigné dans sa chambre par un docteur qui sent le gin. Quand j'ai écrit cette chanson, nous étions assis sur le toit d'un des bungalows de Rishikesh, raconte Paul. J'ai commencé à placer les accords et le titre original était Rocky Sassoon. Puis avec John et Donovan, nous nous sommes mis à improviser le texte. Tout est venu très vite. C'est finalement devenu Rocky Raccoon parce que ça faisait plus cowboy. Margot Bird a entendu dire que le docteur avait été inspiré par un véritable médecin. Paul avait une mobylette avec laquelle il est sorti un jour de mai 66. Il planait un peu, il a fait une chute. Il s'est coupé la lèvre et ébréché une dent, raconte-t-elle. Le médecin qui est venu le soigner puait le jean. Comme son geste n'était pas tout à fait assuré, il a mal recousu. C'est pour ça que Paul a eu une marque sur la lèvre pendant un moment. Voilà pour l'anecdote. Et voici la chanson Rocky Raccoon sur RG. Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in, and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Gin and proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do. Yeah. acheter. Ouais, c'était ça, hein, le truc. Mais c'est une belle chanson de George Harrison en 1973 sur l'album Living in the Material World. On n'arrête plus la musique parce qu'après, il y a Eric. Il faut essayer d'être presque à l'heure, comme d'habitude. Voici la suite. Vous allez savoir. Let's go. Back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chanson Eleanor Rigby. Up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. C'est l'album Revolver. Ce que j'aime chez les Beatles, c'est ça. On est un groupe de rock. Eleanor Rigby, c'est pas du tout rock. Ben, on s'en fout, on le fait quand même. Et on le fait avec bonheur. Quelle belle chanson. Et ce que j'aime aussi dans la saga, c'est pouvoir aller de 1966 à 1980. Et cette chanson, Clean Up Time, sur RG. John Lennon, bien sûr. Bubble. Clean up time. to rock the circle will always be our home. Il est temps de faire du ménage. 1980, malheureusement, un imbécile que je ne nommerai pas, Mark David Chapman, a eu, lui, l'idée de faire du ménage pour de bon et définitivement. Et on le regrette tous parce que John Lennon, il aurait certainement eu encore de grands, grands moments. Il était revenu après 5 ans de silence et il était revenu en pleine forme. Bon, il avait laissé la moitié de son album à Yoko. C'était une erreur, mais bon... On peut faire des erreurs parfois. Mais je suis sûr qu'il nous aurait sorti de très bons trucs. Ça aurait été très très sympa de faire des anthologies avec John Lennon, etc., etc. Allez, une chanson que je passe rarement parce qu'elle dure 6 minutes, mais j'adore cette chanson, Little Lamb Dragonfly sur RIG. C'est Paul McCartney forcément. help you out, but I cannot help you in. Quelle belle chanson. Et comme dit la très belle Julie sur Facebook, quelle voix et quelle physique aussi, Julie Harrison. Bon, voici l'une des... la dernière chanson de l'album de la semaine. Eric rigole. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il est là, Eric. Vous le retrouverez dans quelques secondes, quelques minutes, pour sa fantastique émission Johnny de A à Z. Et j'essaie de garder mon sérieux. Voici le dernier extrait de l'album de la semaine. Good night sur RIG. Chanson écrite par John Lennon pour son fils Julian, comme quoi lui aussi savait faire des chansons cool, douces, gentilles. Voici la dernière chanson de la saga des Fab Four. Pour relever un petit peu, pour remettre du tonus, on vous offre une boisson. Free drinks, maintenant, sur RIG. Ringo Starr. Catching it. Harrison, non, George Harrison, Ringo Starr, à l'instant, dans la saga des Fab Four, extrait de l'album Choose Love, en 2000. Extrait de l'album Choose Love, en 2005. J'aime bien qu'on ne me coupe pas, s'il vous plaît. Morceaux d'instrumental, c'était pour faire plaisir à Julie. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette 292e saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je rends l'antenne, il est 22h pile. C'est un bel effort. Dans quelques instants, Eric et son fabuleux John de A à Z. Bisous aux filles, moyennement aux garçons, et un gros bisou à toi, surtout à toi. Bisous.